بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بدأنا قبل أسابع قليلة الكلام حول القدر والإيمان به. On a commencé il y a quelques semaines à aborder le sujet du destin et la foi en celui-ci. وذكرنا شيئا مما يجب على المسلم اعتقاده في هذا الموضوع. Et on a cité certains éléments dont il est obligatoire aux croyants d'y avoir foi concernant ce même sujet. فرددنا على القدرية الذين نافعوا القدر وعلى الجبرية الذين غلوا في إثبات القدر فنافعوا عن العبد مشيئته. Et certes, nous avons répliqué à la secte de Al-Qadariya, ceux qui ont rejeté et qui ont nié le destin. Nous avons aussi répliqué à la secte de Al-Jabariya, ceux qui ont exagéré dans le fait d'affirmer le destin. Car ceux-ci ont rejeté, ont nié le fait que le serviteur est une volonté, est un libre arbitre. ومن هنا ذكرت أن أحد القسيسين أتعب نفسه في محاولة الرد على الإسلام وأن له ذلك. Et donc c'est à partir de là que j'ai cité qu'un prêtre s'est fatigué en essayant de répliquer sur l'islam. Et comment peut-il faire cela ? وقلنا إننا سنذكر كلامه وإننا سنرد عليه لكنني شرعت بعد ذلك في شرح حديث آخر فلم أتطرق إلى كلام هذا القسيس. Et certes, on avait dit que j'allais citer la parole de ce prêtre et qu'on allait répliquer à celle-ci, on allait répliquer à cette parole. Cependant, après cela, j'ai commencé l'explication d'un autre hadith. Je n'ai donc pas abordé la parole de ce prêtre. وأحد الإخوة ذكرني بذلك جزاه الله خيرا. Et un de nos frères, il m'a rappelé cela, qu'Allah le récompense. فسنقوم بالواجب إن شاء الله تعالى مستعينين بالله تبارك وتعالى. Donc on va donc aujourd'hui faire cette obligation, on va répliquer à ce prêtre sur ce sujet en implorant l'aide d'Allah تبارك وتعالى. إذن نبدأ بذكر كلام هذا القسيس بحرفه. Et donc on va commencer à citer la parole de ce prêtre textuellement. Il dit: comment Allah peut-il dire que toutes les créatures lui obéissent? Sourate 16, verset 49. Sourate 30, verset 26. N'y a-t-il pas assez de péchés sur terre pour prouver le contraire? Et donc en arabe, la parole de ce prêtre: كيف يقول الله إن جميع المخلوقات تطيعه؟ ألا يوجد ما يكفي من الذنوب في الأرض للدلالة على عكس ذلك؟ فأنتم تلاحظون أن هذا المتكلم لا يراعي أدبا مع خالقه. Et donc vous constatez que cet individu, lorsqu'il parle, il n'accorde pas d'importance au bon comportement envers son Seigneur. وأنا اليوم سأسكت عن ما يتعلق بالسباب الموجودة في كتابه حتى لا نخرج من الموضوع. Et moi aujourd'hui, je vais me taire concernant les insultes qui sont présentes dans son livre afin de ne pas sortir du sujet. لكني أقول من المعروف عند النصارى أنهم فقدوا الإنجيل الذي جاء به عيسى. Cependant, je dis, il est connu que les chrétiens ont perdu l'évangile avec lequel Isa est venu. وحتى الأناجيل الموجودة الآن في كتابهم لا يملكون إلا النسخ المترجمة إلى اليونانية. أما الأصل بلغة عيسى والحواريين فغير موجود. Et donc les chrétiens, ils ont perdu l'évangile qu'avait Jésus et même les évangiles qui sont présents aujourd'hui dans leurs livres. En fait, les chrétiens ne possèdent pas, ils ne possèdent du moins que les copies traduites en grec. Et ils ne possèdent pas les textes de base qui sont dans la langue de Isa et des apôtres. فأذكر لكم هذا الكلام لأن كثيرا من الناس قد يظنون أن القسيسين يعرفون اللغة اليونانية وليس الأمر كذلك. Et donc pourquoi est-ce que je vous cite cela? Je vous cite cela car beaucoup de personnes peuvent penser que les prêtres connaissent la langue grecque. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. لا يشترط أن يكون القسيس يعرف أو عارفا باليونانية ليتكلم في الدين عند النصارى. Il n'est pas mis en condition que le prêtre connaisse la langue grecque afin qu'il devienne prêtre et qu'il parle de la religion chez les chrétiens. فأنبه هذا القسيس على أننا في ديننا أي دين الإسلام الذي يتكلم هو الذي تعلم العلم الشرعي. Et donc, je rappelle à ce prêtre que dans notre religion, c'est-à-dire dans la religion musulmane, celui qui parle, c'est celui qui a étudié la science légiférée. والعلم الشرعي باللغة العربية. Et la science légiférée, elle est dans la langue arabe. وتعليقات هذا القسيس على الآيات القرآنية التي استدل بها تدل على جهله بها فليس له أن يتكلم في القرآن إن كان لا يعرف لغة القرآن أصلا. Et certes, les commentaires qu'il a fait des versets qu'il a cités comme preuve, des versets coraniques, ces commentaires-là montrent qu'il ne connaît pas cette langue. Il ne peut donc pas parler du Coran s'il ne connaît pas la langue du Coran à la base. أما الآيات التي أشار إليها في كلامه هي قول الله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. Concernant les versets qu'il a utilisés comme preuve, donc il y a la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. Pour Allah se prosternent ceux qui sont dans les cieux et sur la terre et tous ceux qui se déplacent sur la terre ainsi que les anges, et ils ne s'emplissent pas d'orgueil. Sourate An-Nahl, verset 49. Ainsi que la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, « وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ » Et lui appartient tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ils sont tous soumis à lui. Ils lui sont tous soumis, ils lui obéissent tous. Sourate Ar-Rum, le verset numéro 26. فالله تبارك وتعالى بين لعباده أن المخلوقات كلها مسخرة قانتة لله تعالى وليس في هذا إشكال إلا لمن لم يرزق الفهم. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala a montré à ses serviteurs que les créatures sont toutes soumises à Allah ta'ala. Et il n'y a en cela aucun problème, sauf pour ceux à qui la compréhension n'a pas été accordée. فهذا الرجل فهم من كلام الله أن المراد أن المخلوقات كلها تطيع الله ولا تعصيه. Et donc cet homme, ce prêtre, qu'il a compris de la parole d'Allah, que toutes les créatures, elles obéissent à Allah et qu'elles ne lui désobéissent pas. وهذا لا يقوله أحد ممن شم رائحة العلم الشرعي. Et certes, cette parole, aucune personne qui a connu, qui a senti l'odeur de la science légiférée, ne prononce une telle parole. Personne parmi ceux qui ont étudié, ne serait-ce qu'un minimum, ne vont prononcer une telle parole. لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا في كثير من المواضع في كتابه بكون أكثر الناس يكفرون به ويخالفون ما جاء به الأنبياء. Car certes, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a montré dans beaucoup de passages de son livre le fait que la majorité des personnes, la majorité des gens mécroient aux prophètes et vont contredire ce avec quoi les prophètes sont venus. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit wa idh akhadhna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Et lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer que Allah et d'adopter la bienséance envers les deux parents ainsi que les proches et les orphelins mais aussi les pauvres. Et lorsque vous parlez aux gens, alors prononcez de bonnes paroles. Accomplissez la prière et acquittez-vous de l'aumône. Puis, vous avez manqué à votre engagement alors que vous vous étiez détourné. Et Allah tabaraka wa ta'ala qui dit aussi « Innahu al-haqqu min rabbik » وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. Certes, ceci est la vérité venant de ton Seigneur, mais la majorité, la plupart des gens n'y croient pas. إذن المواضع في القرآن الدل على كفر كثير من الناس ووقوعهم في المعصية كثيرة جدا. Et donc les passages coraniques qui montre que la mécréance de beaucoup de personnes et le fait qu'ils tombent dans des péchés, ces passages coraniques sont nombreux, sont très nombreux. إذن ما معنى هذه الآية التي أشكلت على هذا القصص. Et donc quelle est la signification de ce verset qui a posé problème à ce prêtre. ونذكر له آية أخرى من كتاب الله تبارك وتعالى لعله يتأمل. Alors nous allons citer à ce prêtre un autre verset du livre d'Allah afin qu'il y médite. Allah تبارك وتعالى qui dit وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Et ils dirent que Allah s'est attribué un enfant. Subhanahu, gloire à lui. Mais à lui appartient ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Ils sont tous soumis à lui. Le créateur des cieux et de la terre. Lorsqu'il décrète de quelque chose, alors il dit soit, et cette chose fut. Surat al-Baqarah, le verset numéro 117. إذن نجمع بين هذه النصوص ومعناها واضح وهو أن الناس يطيعون الله تبارك وتعالى ويعصونه وذلك لأن الله تعالى أعطاهم المشيئة. Et donc nous allons rassembler ces textes qui ont été rapportés sur ce sujet et leur signification est claire. La signification est que les gens obéissent à Allah et lui désobéissent aussi. Et cela car Allah, il leur a accordé le libre arbitre. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ celui qui veut alors qu'il croit, et celui qui veut qu'il mécroit. فَالْإِنْسَانْ لَهُ مَشِيئَ قَدْ يُطِيعُ رَبَّهُ وَقَدْ يَعْصِيهِ لَكِنَّ هُنَاكَ أُمُورٌ لَيْسَ لِلْعَبْدِ فِيهَا مَشِيئَ. Et donc, l'être humain, il a le choix. Il se peut qu'il obéisse à son Seigneur, il se peut qu'il désobéisse, mais attention, il sera rétribué en fonction de cette obéissance ou de cette désobéissance. Et donc l'être humain peut obéir ou désobéir. Cependant, il y a certains points sur lesquels l'être humain n'a pas le choix. Quel maut laisse avec un tartar, meta tamut, comme la mort par exemple. Tu n'as pas à choisir quand est-ce que tu vas mourir. Il se peut que tu veuilles mourir, mais que tu n'arrives pas à mourir. Quelqu'un qui essaie de se suicider, mais qui n'y arrive pas. Et aussi la richesse et la pauvreté. Allah Ta'ala, c'est lui qui donne. Et donc aussi la descendance, la maladie, beaucoup d'autres choses. Fal'ibadu kulluhum. المؤمنون والكفار كلهم قانتون لله تبارك وتعالى لقضائه. Et donc tous les serviteurs, musulmans ou incroyants, tous sont soumis à Allah Ta'ala, à son décret. إن قضى الله تبارك وتعالى بانتشار وباء في العالم فليس لأحد أن يمنع ذلك الانتشار الذي قضاه الله تبارك وتعالى. Et donc, si Allah Ta'ala décrète la propagation d'un virus sur la terre, alors personne ne peut repousser cette propagation, car Allah est celui qui fait ce qu'il veut. Et lorsqu'il a décrété quelque chose, alors il dit juste « soit » et cette chose fut. ومريم نفسها لم تختر أن تكون أما لعيسى لكن الله هو الذي قضى ذلك. مريم, Marie chez les chrétiens, elle-même, elle n'a pas choisi d'être la mère de Jésus, de Isa, mais c'est Allah Ta'ala qui a décrété cela. Allah Ta'ala qui dit قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. Elle a dit, « Oh Seigneur, comment est-ce que je peux avoir un enfant alors que personne ne m'a touché ?» Elle n'a eu de rapport avec personne. Allah Il dit, « C'est ainsi que Allah crée ce qu'il veut. Lorsqu'il décrète de quelque chose, alors il dit juste, « Soit, et cette chose fut. » واخيرا كي لا نطيل عليكم نقول لهذا القسيس ولغيره انكم ان اردتم ان تفهموا النصوص الشرعيه فهما صحيحا عليكم ان تجمعوا النصوص. Et donc pour finir parce que je ne veux pas faire trop long non plus, alors nous disons à ce prêtre et à toute autre personne qui suit sa voie, alors nous leur disons: si vous voulez comprendre correctement les textes de la législation musulmane, alors il vous incombe de rassembler les textes. Allah Ta'ala qui dit: « Atu'minuna bi ba'd il-kitabi wa takfuruna bi ba'd. Est-ce que vous croyez en une partie du livre et vous rejetez l'autre? Et donc nous devons rassembler toutes les parties du livre afin d'avoir une compréhension correcte. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran.